Chuleco, chuleco. Il me calculait pas, ça moi j'étais rien. Il me suce tous la bite, alors je suis qu'un terrien. Je kick, j'ai pas de limite. Artiste mais sans limite, ils ont pas compris le but, c'est pas de mémé. Change de flow, comme si changer de central. Moi aussi je peux faire des centrales pour l'instant, qu'on parle à Socrate. Je me fie tout pas dans la surface comme Pipo. Je mets la trappe de déco en freestyle, je me mets sur déco. Un peu de buzz et toutes ces buts sont célibes. Dans le nouveau satellite, j'envoie toi tu guides dans la bélite. Comment on est, j'arrive en bas les ginos. Fais faire un tour dans ma zone, t'auras la tête qui est la guinée. Fais pas la folle ou tu finis un verre. T'es vrai, tu fais la haine, mon c'est que le premier soir t'as ouvert tes deux jupes. Fais pas la folle ou tu finis un verre. T'es vrai, tu fais la haine, mon c'est que le premier soir t'as ouvert tes deux jupes. T'as ouvert tes deux jupes, j'suis pas prêt t'aimer. Le savoir est une arme avec mon glock, j'suis grâce t'aimer. Pétasse, tu vas pas me baler. Moi mes couilles sont chargées. Que des suceurs qui font que tchac. J'crois qu'on va les marrer. J'suis seul pour la vie ressemblable. J'vais leur mettre en pire. J'suis sûr de moi. Il me prend ma pipe. Aucun bonhomme pour les chauds quand y'a des pipes. Les idées noires comme un akin. Et moi, ça, c'est le panaké, les bêtes, oui, je me calakine. La concu cool, derrière, c'est dans le combat. Ils me font peur quand ils auront plus d'un pipoma. J'tape la bande comme un russe, plus cultivé qu'à la rousse. Mais charron, si toi tu touches à ma russe. Là, j'ai des miens, mais le gars, il est mien. Caille dans mon assiette, j'crois que j'vais les scier. Là, j'ai des miens, mais le gars, il est mien. Je suis seul pour la vie ressemblable. Moi mes couilles sont chargées. Je n'ai su faire du